بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم قراءة هذه الرسالة المفيدة النافعة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. Comment أو les moyens bénéfiques للحياة السعيدة pour avoir une vie heureuse. للإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 6. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا أمس بعض الأسباب لانشراح الصدر من هذه الرسالة النافعة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ سعدي رحمة الله عليه. ياغي لاسيتي الذكر، لاسيتي كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. هذا سبب عظيم. Et tous les asbab qu'on a vu avant, at-tawakkul, was-sabr, wat-tawhid. Wal-yawm, il cite un autre sabab. Qala rahmatullah alayhi faslun fil asbab al-mujiba lis-surur wa zawal al-hamm wal-gham. As-surur ma'ruf, al-farah, être heureux. Wal-hamm wal-gham, ça ressemble. Ay al-qalaq, les problèmes, les soucis, al-hamm, al-humum. قال ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم. صحيح، يدي أسباب، يدي أسباب كي بخوفك سهم سي سوسي سي بخوبلم. كذلك يدي أسباب كي بخوفك يسون لا كوز دي كوز بور الفرح. فالعبد العاقل يفتو بور s'écarter des asbab qui font du mal, des causes qui lui font du mal, et il fait tout pour faire les choses, les causes qui font du bien, qui font du khayr, qui rendent heureux. Et maintenant, les gens se plaignent de maladies et ils ne s'écartent pas des asbab. Prends l'exemple de la cigarette. Il sait qu'il n'y a aucune faïda. Belle, sur le paquet des cigarettes, c'est écrit « fumer tue ». Je ne trouve pas plus wadih que ça. Malgré ça, il gaspille son argent. C'est du nar. Il aspire une fumée qui fait du mal vers le jasad. بإجماع العقلاء والأطباء. يا كان مجنون جاهل واحد كي كومبخون با لي شوز كي با دير لا صافي با دو مال. حتى الكفار الان معروف، حتى الكفار ils ont des campagnes, ils ont des choses pour montrer que la cigarette ça fait du mal. فهذا tu le trouves للاسف مسلم مؤمن. ثم il se plaint, il a atteint du cancer ou il a atteint d'une maladie à la gorge ou les poumons ou autre et il se plaint. يا أخي دلس سبب دلس. أولا يا أوكين فائدة، ثانيا tu perds ton argent، ثالثا tu fais du mal à ton corps ta santé، وأعظم من ذلك تخالف الشريعة الإسلامية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré أنه t'as pas droit de te faire du mal، لا ضرر ولا ضرار. والله سبحانه وتعالى il nous a interdit de nous faire du mal. ولا تقتلوا أنفسكم. Malgré tout ça tu le trouves il est مستمر. ثم il lui arrive un problème d'argent ou de santé، il se plaint. الحقيقة c'est lui le سبب. فلهذا قال السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم. كذلك on a cité l'exemple de la cigarette، c'est un exemple parmi tant d'autres. أما tous les maux qui te touchent أخي الكريم il y a des أسباب، il y a des أسباب، فإكارتوا de ces أسباب. بعض الناس مثلا il se plaint أنه il s'est fait du mal ou on lui a fait du mal dans un endroit. Il y a des endroits فيها شر كثير. Prends l'exemple des boîtes de nuit والعياذ بالله. شر. Un endroit où il y a des soukara. Bardohum, ils n'ont plus de ukoul. Bardohum, c'est des drogués. Ma'rouf, shar. Il va dans cet endroit, on lui fait du mal, il se plaint. Écarte-toi du sabab, et bien, tu ne seras pas touché par ce mal. Inch'Allah, tu vas fil le masajid, tu marches avec talabat al-ilm, avec ahl al-khayr, avec ahl al-salah. Tous les problèmes que tu rencontres avec ha'oula al-asharar al-soukara, bien, tu ne les auras plus. Al-haqiqa, ça, c'est un sabab azim. C'est un sabab azim, s'écarter des asbab qui font du mal. Et si tu veux le khayr, tu vas dans les endroits où t'appliques les asbab du khayr. Qala wa fi tahsil al-asbab al-jalibatu lis-surur wa dhalika bi nisyan ma madha alayhi min al-makarih allati la yumkinuhu radduha. Et ça c'est muhim. Kadhalik il précise anna ce qui est passé c'est passé. Dhalika bi nisyan ma madha, tu dois oublier. Mathalan on t'a volé un haq mal il y a une semaine مثلاً. واحد t'a volé ton argent. C'est fait, c'est fait. Ad'u Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de toujours repenser, tu te fais du mal jiddan jiddan. Si la personne elle pense et elle dit pourquoi, mais j'aurais dû. L'argent il est parti. Kadhalik la mort d'un proche. Mais il aurait dû. Ya akhi, il est mort. Oud'Allah là. Et pense au khayr. Espère, fais du'a. Tu verras que tu te reposeras. Amma da'iman revenir en arrière. Khassatan en se posant la question pourquoi, comment, mais. Hada la shak annahu, ça rajoute que du dhir, que du qalaq. Que du ham à la personne. وَذَلِكَ بِنِسْيَانِ مَا مَضَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَكَارِهَ الَّتِي لَا يُمْكِنُهُ رَدُّهَا. C'est fait. قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلْ. Tu ne peux pas revenir en arrière. C'est fait. قَالَ لَكِنْ. Ça ne veut pas dire que tu ne t'affectes pas de tes erreurs. انتبهوا لهذا. لأن il y a des choses qui ont été faites dans le passé. أنت ينفائض عظيمة. Tu ne refais plus certaines erreurs. C'est des durus. C'est des leçons pour toi. Maintenant, tu as fait une erreur, il t'est arrivé un problème, avec Ibn Allah Azza wa Jal, tu ne refais plus. Non, hada tayyib. Amma penser à des choses, comme il dit, la yumkinuhu radduha, maintenant, une perte d'argent, la perte d'un prof, d'un proche, hada, ça ne sert à rien, en fait. Fais du'a, ahsan lak. Qala wa ma'rifatuhu, anna ishtighal fikrihi viha min bab al-abath wal muhal. Al-abath, c'est le contraire de l'fa'idah. Il n'y a aucune fa'idah. C'est une chose inutile. Abath. Wal muhal. Kadhalik, c'est le contraire, c'est le mustahil, ma'rouf. Qal wa anna dhalika humqun wa junoun. Wal l'adib, anna ba'd al-nas, quand il faut réfléchir, faut faire des efforts. Matalan talab al-ilm, apprendre son din, faire des efforts pour appliquer, tu le trouves, il ne fait aucun effort. Et quand il ne faut pas réfléchir, pas faire des efforts dans certaines choses, tu le trouves yajtahid. Pourquoi, comment, mais on aurait dû. Ça, c'est min talbis iblis. Il fait perdre le temps à haoula. Il y a des choses, na'am, il faut faire les sbab. Il faut réfléchir, il faut demander à l'ilm. Tu trouves, wa'adannas, ils se font du mal. Il y a des choses, il faut délaisser. L'exemple qu'on a donné, une chose qui est passée, tu ne peux rien y faire. Il faut délaisser, khalas, avance, tu le trouves, wa, et yajtahid li hada. C'est min طرق إبليس pour faire du mal au عبد. قال فيجاهد قلبه عن التفكر فيها وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله كذلك deuxième cas المستقبل. Des choses c'est loin. Allah علم, il ne sait pas s'il va vivre là. Très loin. Il pense maintenant à est-ce que je vais pouvoir vivre dans un an, dans deux ans. يا أخي هذا سهل, c'est Allah الرزاق. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين اعبد الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Ça c'est pas إليك. C'est pas إليك. Ça veut pas dire qu'on fait pas des efforts, on se prépare pas pour certaines choses comme on a déjà répété. Là, لكن التفكر dans des choses qui sont loin et t'oublies le jour où هذا c'est pas من الحكمة. Alors, بعض الناس يكونوا pas توحيد, يكونوا pas sa عقيده. والله بعضهم يكونوا pas معنى لا اله الا الله. Et ils regardent, ou ils méditent, ou ils pensent dans des choses, dans un an, est-ce que je vais avoir du travail, est-ce qu'ils ont peur du risque. هذا نعوذ بالله من هذا الحال. Ça te fait que du mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te rizq. Lakin pense aux choses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé à l'ibad. بعضهم il fait pas الصلاة, il délaisse الصلاة, et c'est خطير جدا. C'est du kufr, comme a akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il réfléchit dans des choses inutiles. Ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala yarzuq al-hayawanat fil ghabat. Allah subhanahu wa ta'ala yarzuq al-hasharat. Allah subhanahu wa ta'ala des animaux tu connais même pas, il les rizq. Ma baluk anta, si tu fais des efforts. Qala فيجاهد قلبه عن التفكر فيها وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما. فقر أو خوف صحيح. Beaucoup de gens ils sont touchés par ça. Il a peur. مثلاً بعضهم ils entendent qu'il y a une maladie qui s'est propagée, des maladies الآن qui sont propagées, grâce à certaines pour les vieilles personnes, cancer et autres. Tellement qu'il réfléchit, il a un huzn, un qalaq et ça lui fait du mal. Ya akhi, tu sais pas si tu vas vivre, hein, t'es un musulman. Al-mu'min, il sait qu'à tout moment, il peut mourir. كذلك ربما tu vas vieillir et inshallah tu seras pas touché par cette maladie. Bi'nillah azza wa jalla, écarte-toi des causes. مثلا parmi les causes des cancers, خاصة les cancers de poumons et l'akhir, c'est la cigarette. Écarte-toi min hada, tu seras à la khair. Qaddar, tu vis et t'es touché par cette maladie. Inshallah, c'est un khair pour toi. ربما t'as des dounoub. ربما Allah subhanahu wa ta'ala il veut t'élever en degré, t'as pas assez d'amal. ربما t'as fait des fautes, t'as pas fait de tawbah. Allah il te donne cette maladie quelques temps avant mourir pour t'effacer tes péchés. Alhamdulillah, ihmadillah, t'es à la khair. أما ما بالك الآن بعضهم يغفلشيس يسفي جمال إن شوز الله أعلم إسكي بيت توشي أم لا قال أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته تخيل أنا دين الإكزامبل avec la maladie ربما يمغى avant ربما يفيفغى يسغى فتوشي فلا تتعب نفسك ما بالك واحد يغفلشي مثلا sur la maladie du cancer ليل نهار. Il réfléchit et il fait des recherches, il voit les conséquences de cette maladie, les méfaits, kada, et il pense qu'il va être touché. Là, chaque seigneur marad, il va tomber malade. Mais akhi, tawakkal ala Allah. Ce qui arrivera, ça arrivera. Fais les asbab, faqat, écarte-toi du char. Qala, fayalam anna l'umour al-mustaqbala majhoula ma yaqa fiha min khayr wa char wa amal wa alam. Sahih, c'est majhoul, hada. Ça arrive, ça arrive. Le problème, quand il vient, tu trouves une solution. Amma, chercher des solutions à un problème qui n'est pas encore arrivé, ça c'est aïnou ta'b. Khasatan, nous parlons d'un problème, tu n'es pas concerné. Amma, si tu sais qu'une chose elle peut te toucher, tu fais l'espère, tayyib. Amma, il y a des choses, c'est ba'id, ma tadri, comme la maladie. Ma tadri, ça. Qala wa annaha biyad al-aziz al-hakim, laysa biyad al-ibad, minha shay'un illa sa'i bi tahsil khayratiha. Hada. Anta, tu fais du khayr. Tu fais les asbab du khayr. Qala wa taf'a madaratiha. Et parmi les choses qui t'aideront à patienter et que tu dois faire un travail l'an, apprends ton dit. Apprends ta aqida. Apprends tawhid. Tu verras que tu seras solide, tu auras des bases solides. Si une épreuve elle vient, pauvreté, maladie ou autre, tu auras les armes pour combattre. Allez, hada, nahnu on conseille. Jami' al-muslimin, ils font des efforts fi hada. Apprends ton dit. Apprends l'aqida sahiha. Et tu verras. Prends exemple sur Sahaba. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a éduqués à la tawhid, à la aqida sahiha. Les épreuves, elles sont venues après. Maladies et autres, ils étaient prêts. Ils ne se plaignaient pas. Ils patientaient. Ils sont morts à la khair, radiyallahu anhum. Enfin, celui qui veut se préparer, la préparation, c'est hadith. C'est l'ilm al-shar'i. Le tawhid, le tawakkul, à Allah. Et inshallah, n'importe quelle épreuve, tu seras prêt. L'iman bil-qadr, c'est muhim. قال ودفع مضراتها ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه بإصلاحه واطمأن إليه بذلك إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه يعني الاعتماد على الله التوكل. Il sait que tout ce qui viendra c'est bi qadar Allah. S'il y a des causes à faire il les fait. Et parmi les plus grandes causes c'est apprendre son dit. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ. هذا العناية بالتوحيد بالعقيدة العناية بإصلاح القلب. Les causes, c'est pas que le matériel. بعض الناس quand ils entendent il faut faire des causes, ils pensent au matériel. أعظم سبب c'est المعتقد الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فprends soin de ce قلب avec العلم والتوحيد والتوكل والمعتقد الصحيح et tu verras que tout ton corps il sera à la khayr. Même si tu es atteint de maladie, tu seras à la sabr. Même si tu es atteint de pauvreté, tu auras le qana'a et tu auras le sabr. Même si tu es atteint, même Foulan il parle sur toi, واحد il veut te faire des problèmes, tu es à la tawakkul. Tu sais que Al-Amr il est biyadillah, min qabl wa min ba'd. Qala wa min anfa', 9e sabab. ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به. كذلك ce point essentiel العناية بالدعاء. خاصة il y a des دعاء pour les choses qui vont arriver. لأن بعض الناس ils ont peur du مستقبل. قلة الإيمان, ضعف الإيمان, ضعف التوكل. بعض الناس vous avez remarqué ils parlent souvent du مستقبل. Ils parlent souvent, ils pensent مستقبل الدنيا ça serait الآخرة نعمة. Il penserait au qabr, il penserait à Yom al-Qiyamah, il ferait des efforts. Là, quel ba'dahum là, mustaqbal dunyawi. Comment tu vas travailler, qui c'est qui va te donner. Khasatan tullab al-ilm. Tu fais des efforts al-ilm, wahid il te dit, mais il faut que tu travailles, comment tu vas manger, comment. Ils oublient anna al-razzaq c'est Allah. Et ils oublient anna talab al-ilm c'est min a'azam al-azbab. La'allaka turzaq bih, qala alayhi sallam. Fa ha'oula, une des solutions, ils pensent d'aïma au mustaqbal, ils ont peur, c'est d'appliquer ce dua que le prophète sallam nous a enseigné. قال استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر رواه مسلم صحيح حديث عظيم اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. Vous avez remarqué que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a commencé par le din avant le dunya, لأن c'est un din sahih, l'aqida sahiha. Même si t'es éprouvé, pauvreté, maladie et autres tumeurs, t'es fil jannah. Fil jannah, t'as plus ces problèmes. Allez, hada, on commence par hada. Et ce din, il est fondé sur l'ilm. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, c'est bil ilm. Comment tu vas appliquer une chose si tu ignores? Matalan, as-salat, ça fait partie du din. Et celui qui va avoir un din, tayyib, qawi, maqboul, il doit faire salat. Et salat, elle est fondée sur des shurut. Il y a des choses qui l'annulent. Il y a des conditions, il y a des obligations, il y a des sunan. Tout ça, tu dois apprendre, akhi al-karim. Hakad al-hajj, tu dois faire le hajj. Bard al-nas, ils font le hajj. Fait le hajj, il fait des efforts. Il gaspille de l'argent, il voyage. Il revient, il égorge pour une tombe. Il a annulé son hajj, bel il a annulé son islam. Ah, mais il égorge pour Sidi Foulain. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a. Et lui, il fait du shirk. Wa la in ashrakta la yahbatan amaluk. Allah subhanahu wa ta'ala il a montré celui qui veut du shirk, il annule toutes ses œuvres. Hadalan, il a fait du shirk, il a annulé al-hajj et autres. Tout ça c'est fondé sur l'ilm. L'ilm al-tawhid, al-salat, al-zakat. Ba'd al-nas, ils ont de l'argent, il ne sait pas comment faire. L'Europama, il a une bonne niya, il ne sait pas. Il a des bêtes, matalan, il ne sait pas qui fait sortir le zakat. Tant de bêtes, tu dois sortir tant de bêtes. Hada, c'est ça. C'est ça, ma'na hada du'a. Ce n'est pas faqat bil-lisan. Aucun effort et il dit ce du'a. Là, ce du'a, avec l'ilm, avec les efforts, inshallah tu seras à la khayr. Thumma qala wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Naam. Kadhalik, tu fais du'a pour ta dunya, lakin sans contredire la sharia. Naam. Tastafid min hadhihi ad-dunya. Hadhihi ad-dunya, c'est comme une mazra. Al-an anta tu fais des efforts. C'est comme si tu plantes des graines et tu récolteras fil akhirah. Fa c'est muhim. Qala wa aslih li akhirati allati hiya allati ilayha ma'adi. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم دائما سيغذي الآخرة لأن المعاد الاستقرار دار القرار في الآخرة. أما في الدنيا ولو واحد بتوليا إلا با دارجون مالاد les gens ils parlent sur lui, il est في حال تعب لكن il est من أهل الصلاح الحقيقة il passe entre 20, 30, 40, 50 on va dire maximum 100 ans ثم إن شاء الله إلى الإترنيتي اللي في خيره. C'est ça le muhim. Mouchkila, nous vivons dans un zaman où beaucoup de gens se rakkaz fi dunya, ils oublient l'akhira. Qala waj'al al-hayat ziyadatan li fi kulli khayr. Hada, si cette dunya c'est ziyadat khayr, fata ala khayr. Wallahi, cette dunya si t'es fi shar et ça te fait que du shar, mourir ala tawhid c'est afdal. C'est pour ça que beaucoup de salaf ils faisaient ad-du'a. Si cette dunya c'est une fitna, c'est un shar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il reprend leurs âmes. Ma'rouf. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. C'est cité هنا. Si c'est un شر, la personne a peur pour son دين. والله أفضل لها الموت. S'il est à la sunna, s'il est à la tawhid. أفضل لها. أما qu'est-ce que t'espères de cette dunya? L'argent que t'as, elle disparaît à tout moment. Tu meurs, c'est les héritiers qui prennent tout. Cette femme que t'as, ses enfants, ربما tu meurs, la femme elle se marie. هكذا, c'est cette dunya. T'espères quoi? Cette maison que t'as, ربما si les gens ils n'en prennent pas soin, ربما تخرب. Ou ربما واحد il avant, un autre il la récupère, un autre il habite à ta place. Tu gagnes rien. Illa al-amal al-salih. Comme a dit dans le hadith, l'insan idha mat, il y a trois choses qui le suivent. Al-amal al-salih, wa ahluhu wa maluhu. Une chose qui reste, deux qui reviennent. Yabqa al-amal al-salih, wa yardi'a al-ahl wa al-mal. Hada, wa lihada al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il insiste, waj'al الحياه زياده لي في كل خير والموت راحه لي من كل شر. Et le deuxième dua وكذلك قوله اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله واصلح لي شاني كله لا اله الا انت رحمه الله سبحانه وتعالى ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين. بعض الناس يدلس مثل هذا الدعاء هذا الخير et toujours il accroche aux gens. Ya akhi, celui qui te donne aujourd'hui, demain, rubbama yata'an fik. Ah oui, il te donne, et demain, il te rappelle. Tu fais quelque chose, il te dit, n'oublie pas, je t'ai aidé. Hakada dhul wa ihana. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime quand il lui demande. Contrairement à Ab. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ordonne de lui demander. Lianna l'ab, awwalan, il ne peut pas te donner illa bi'idnillah. Et s'il te donne kathiran, c'est pour une maslaha. Et rubbama yuhinuk, la première occasion. Ça arrive, hada. Wahad, il te prête. Un jour, tu donnes sah, rubbama bihaq. Il te dit, oublie pas, c'est moi qui t'a donné kada. Ihana. Amma rabbul alamin, il t'ordonne de lui demander. Amma yujib al muttar ida da'a. وقال عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم لحد ابي هريره المعروف في النزول قال فاذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر هذا الشيخ سعدي فانتبه ان الدعاء بقلب حاضر سي با سا دوفيان كوتوم الاذكار والدعاء سي سا دوفيان كوتوم سي مصيبه Tu le vois hada, fi adkar, ba'd as-salat. Ahyanan on les fait, ça devient une coutume. Rubbama tu bouges les doigts, tu sais plus ce que tu dis. Hada, c'est un khata. Le qalb doit être hadir, tata'ammal al-ma'ani. Et tu fais les causes. Et al-ikhlas. Ba'd as-salihin, tellement qu'il est mukhlis, rubbama tadma' aynu. Rubbama il verse des larmes, tellement qu'il est mukhlis et il demande. Amma demander bi ghafla, c'est pas taillé. Qala bi qalbin hadir wa niya sadiqa. Kadalik, il demande c'est بإخلاص بصدق قال مع اجتهاده فيما يحقق ذلك ان تفس دعاء اللهم اصلح لي ديني لكن tu fais des efforts في الدين tu fais des efforts في العلم واصلح لي دنياي كذلك tu t'écartes du char et باذن الله tu verras les fruits très vite قال حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له نعم حق الله سبحانه وتعالى قال on a cité le verset وقال ربكم ادعوني استجب لكم وانقلب همه فرحا وسرورا صحيح en appliquant ces aspects inshallah ربما il était في ضيق عظيم وكرب شديد après tout ça التوكل والصبر العلم il fait des efforts il fait ce dua ou autre inshallah tu le trouves il était في ضيق ça devient ce ضيق qui se transforme en فرح et سرور سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.